Batacon inventé en machine à plaisir. Qui kamene ou asouan li let yon ka kriye ge. Le waboy y ka transforme le be en joie. Pa ni wayen ke pa pran pie a o. Fè bon temps, pou sa vive longtemps. C'est à dire, vive chè a ou toujou content. Nou ka passe la terre aussi et sa adan. C'est pou sa nou chante refrain inoubliable. Oh yeah. Thank you. c'est le pied. Aïe Bataku. Oui Bataku. Aïe Bataku. Quand j'ai dit fait. Aïe Bataku. Oui l'homme. Ça, moi, ouais. Moi pas j'en pensais que la vie a tétini, tout ça problème. Mais hypocrisie et jalousie toutes ces mêmes bitins. Mais bien des fois, ou qu'a essayé de faire un bitin de bien. T'ignore le monde, que toute la pêche arriver. Mais c'est comme ça, nous malhérés, nous tout cap en fait. Nous toujours là, pour les affaires à les autres. We'll be right back. Livrez-moi.